Oswald de Nuit, de Samuel Gallet. Oswald sniffe de l'essence, hôtel chambre 64. Oswald a bien compris que rien ne sert de courir. Le monde finira toujours par le rattraper. Les yeux bloqués par la cam, pianotant le sol de ses doigts maigres, le voilà qui rêve d'une ville aux murs transparents, aux rues éclatées en 10 directions, au fleuve investi. Nous nous ennuierions moins. Il plonge la tête dans la bouteille plastique parce qu'il ne croit plus à l'imagination. Et il se retourne sur le matelas humide. Été pollué. Niveau d'alerte 4. Nous nous ennuierions moins! Le matin déjà. La ville rincée. Les éboueurs désencombrent le marché des déchets. Fruits pourris, haleine stagnante, tréteaux mouillés de pulpe et d'insecticides. Se disputant avec Oswald les restes gratuits recueillis par l'asphalte, il jette les dernières heures du matin dans le trou motorisé. Des femmes bleues se déchirent le corps d'Oswald dans les rues lentes de midi. Des chambres se vident. Les taxis se taisent. Des guerres s'épanouissent. La journée avance si vite. Mais Oswald s'échappe. Oswald s'évade. Oswald est une échappée d'air. Couché sur un pont, il rit et se souvient des soirs d'ennui et de flemme qui le conduisaient, sans qu'il n'y prenne vraiment garde, aux limites de la ville. Là, Oswald balançait quelques cocktails Molotov sur les périphériques bondés, puis se bouchait les oreilles comme si rien n'avait lieu. Et dans les journaux du lendemain, éparpillés sur les places, rien n'avait eu lieu. Et Oswald laissait ses yeux noirs sur le fleuve. Peut-être quelqu'un lui aurait-il demandé la raison de ses gestes. Oswald lui aurait répondu « La ville ignore Oswald. Oswald ignore la ville. » Mais personne n'osa. Oswald caché nuit et jour dans l'obscurité de taudis ignorait les grandes agences immobilières. La ville ignore Oswald. Et les journées avancèrent si vite. Oswald ignore la ville. Calcul probable, 8760. La ville ignore Oswald. Ne laissant à Oswald que le choix de ne plus les compter. Le soir déjà. Pharmacien. Et Oswald, toujours. Pharmacien. Quand la nuit chargée d'espace lui mord le visage. Salopard qui dit derrière tes lunettes légales toutes les plus belles défonces. Le voilà de nouveau devant la pharmacie de garde. Morphine, Exomil, Métadone, Subutex. Difficulté niveau 2. Pharmacien. Là. Là, ça. Dans tes grandes étagères, dans tous tes emballages. Pharmacien ! Oublie un instant les lois hypocrites du commerce et donne cet emballage rempli de petites bouteilles. Allez, donne. Allez. Non ? Non. Désolé. Désolé ! Désolé. Pitié pour Oswald qui persévère. La nuit déjà. Et Oswald dans sa chambre de nouveau. Bientôt plus de bouteilles, l'ami. Les bruits de la ville qui le surprenaient sont devenus un moment du silence. Et la station est restée si loin derrière dans l'infini de la grande route. Bientôt plus de bouteilles, l'ami. Bloqué dans l'hôtel, Oswald laisse ses yeux noirs découvrir ce qu'ils veulent sur le plafond trop blanc ou sur les meubles trop laids. Les chambres s'emplissent. Sniff encore, Oswald. Les taxis se taisent. Sniff encore, mon vieux. Des guerres s'épanouissent. Sniff encore, Oswald. Sniff, fils de pute, allez, laisse. Oswald sniff de l'essence, hôtel, chambre 64. Oswald a bien compris que rien ne sert de courir. Le monde finira toujours par le rattraper. Les yeux bloqués par la cam, pianotant le sol de ses doigts maigres. Le voilà qui rêve d'une ville aux murs transparents, aux rues éclatées en 10 directions, aux fleuves investis. Hôtel chambre 64, difficulté niveau 5. Où sont les bouteilles? Où sont-elles passées? On a piqué les bouteilles. Oswald. Qui? Qui est venu? Quelqu'un est venu? Mais qui est venu? Elle? Encore? Encore, c'est elle. Son visage. Son visage a maigri. Et quand Oswald, face au miroir, se creuse les joues, aspirant l'air, tirant le menton vers le sol, mais qui est venu? Il le revoit, ce visage. Elle? Au moment où il se ferma une bonne fois comme une enveloppe vide. Et il se marre. Pourquoi lui as-tu fait ça, maman? Où as-tu mis ces bouteilles, maman? Vieille salope qui ne lui a jamais dit le plaisir ou non. Vieille salope ou vieille tout court, impossible de savoir. Femme pleine d'hiver. C'est toi? Femme pleine d'hiver, c'est toi. Femme pleine d'hiver, c'est toi. Où as-tu mis ces bouteilles, maman? Celle qui était là. Femme pleine d'hiver, c'est toi. Vieille salope de douceur. T'as de nouveau joué une bonne blague au fiston? Laisse Oswald tranquille, Madonna. Lui qui cherche une issue. Pitié, Madonna. Tu vas le laisser tranquille enfin, oui ou non? Oui ou non? Non? Rien à foutre de la mère. Pas elle. Les bouteilles, elles étaient là pleines. Et maintenant, elles étaient là. Pourquoi elles ne sont plus? Elles étaient pleines. Pourquoi elles ne sont plus? Ce n'est pas la bonne chambre. Voilà. Ce n'est plus le bon hôtel. Voilà. Rien à foutre des bouteilles. Rien à foutre de l'hôtel chambre 64. Tirons-nous. Tirons-nous. Now! Oswald s'apprête à partir à travers la vallée, à rejoindre le lieu dit de la raie Manta, champ délimité par des fils, pâturage pour les bêtes, et qui, depuis le village de la mer, prend cette forme d'animal marin. Oswald y récupérera la datura, herbe du diable qu'Oswald a apprivoisée. Mais il faut quitter la ville. Rejoindre le village de l'enfance, les campagnes, où des camions tordus circulent, réservoirs pleins d'huile de colza, embrouille, débrouille, obligatoire face à la flambée mondiale du carburant, qu'Oswald, lui, sniffe. Hôtel, chambre 64, rejoindre le village où la mère cracha Oswald presque à regret, sachant, pressentant, devinant que rien ne le concernerait, nouvelle ombre parmi les ombres de la grande nuit économique. Remonter jusqu'au lieu dit de la raie Manta, mais il faut quitter la ville. Et l'hiver déjà. Les journées avancent si vite. Quel temps pour nos rêves demain? Quel froid contre le corps d'Oswald? Pour savoir, prendre le téléphone. Lucie, Météo France. Voici votre bulletin de prévision valable pour les 7 prochains jours. Aujourd'hui, les brumes matinales sont rares et le soleil s'impose sur l'ensemble du département dès son lever. Le temps reste doux et ensoleillé comme celui des 2 derniers jours. Le vent du sud souffle en forte rafale pouvant atteindre 70 km/h dans l'axe de la vallée. Les températures sont très douces, de 22 à 24 degrés en pleine et de 18 degrés à 800 mètres d'altitude. Le vent du sud balaye le ciel nocturne et limite la baisse des températures. Ce n'est qu'en fond de vallée, protégée du vent, qu'elles peuvent diminuer jusqu'à 8 degrés. Demain, des passages nuageux peuvent laisser échapper quelques ondées sans pour autant exclure des apparitions du soleil. Puis, les nuages élevés se feront de plus en plus nombreux et denses au fil des heures. Les jours à venir verront le retour des conditions anticycloniques de saison. Lucie. L'indice de confiance est de 3 sur 5. Lucie. 5 étant l'indice de confiance le plus élevé. Depuis combien de temps suis-je là, Lucie ? Pour les semaines à venir, qui s'enfoncent dans octobre, Lucie. Le département est placé en vigilance verte. Lucie, je cherche bien dans ma tête sans jamais pouvoir trouver la porte par laquelle je suis entrée, ni quand. Parce que personne ne s'aventure à l'intérieur de moi, sauf l'oubli. Hôtel, chambre 64. La nuit. Ça y est, ça s'allume. Tout le monde se planque. Personne ne participe. Regarde, Lucie. Personne ne s'intéresse à toi, Lucie. Est-ce que des gens s'intéressent à toi, Lucie ? Toutes ces fenêtres, et aucune n'est la tienne. Je ne laisse pas la lumière allumée quand je m'en vais. Où est-elle ? Celle derrière laquelle tu te caches pour dormir. On ne la voit pas d'ici. Comment est-elle ? Comme celle-là ? Plus petite. Comme celle-là, alors ? Celle au troisième étage, là-bas, la rouge ? Plus petite encore. À cette distance, elles ont toutes la même taille et se confondent. On ne voit pas la mienne. Parce qu'aucune n'est la tienne. Et pourtant, il y en a bien une que je ferme pour dormir. Je pourrais venir la fermer avec toi. Alors elle ne dit rien, hésite, comme déjà sûre de sa réponse. Et puis elle raconte qu'elle est seule, comme Oswald, dans la ville. Ceux qu'on croise qu'on ne devrait pas croiser. Ceux qu'on ne croise jamais, qu'on voudrait-on. Ceux avec qui on vit, qu'on ne devrait pas. L'imbécilité du ciel. Le regard idiot d'un homme dans le lit au réveil. Le matelas vide, le plus souvent. L'horizon des murs. Silence radio. Les jours sans cesse. Le même lieu. Demeurer. Ceux qui t'emploient comme on prend en otage. Et ceux qui disent que tu te trompais, Lucie, à imaginer un monde autre. Que tout est sans cesse compliqué et mêlé et tordu. Et que toi aussi, sois gentille. Tu finiras bien par étrangler ton prochain. Ceux qui ne disent rien, les meilleurs. Et encore sourire et accepter. Et se soumettre et répondre au téléphone, Lucie, Météo France, soumise. Répondre, encore parler du temps. Et maintenant, ils sont seuls tout à fait. Hôtel, chambre 64. Les bruits de la ville devenus un moment du silence. Et Oswald se souvient d'avant la ville et les périphes, la campagne, l'odeur pourrie des étables, les troupeaux qui rentrent à 7 heures et le lait que la mère demande d'aller chercher derrière les palissades. Ces années Oswald avant l'essence et les dernières extrémités, ces années tendues et tristes et sans fille, avec le désir dur et l'odeur forte, dans les mains le désir. Et Oswald raconte cela à Lucie, comme à personne. Dans l'étable, je mettais ma bite dans le grillage pour me faire lécher par les veaux. Et la petite fille de la ferme, dans un coin sombre, regardait sans comprendre et riait parce qu'elle comprenait. La nuit grince si fort à la fenêtre que Lucie n'est pas du tout dégoûtée de ce qu'il lui raconte, de la boue, des chemins l'hiver, de la buée sur les vitres avec les mains d'un enfant, du départ un jour vers les banlieues plus pratiques pour la ville, de la mer un soir comme une enveloppe vide, et d'Oswald tout seul d'un coup sans qu'il n'ait rien compris. Personne d'autre n'entend. Personne d'autre ne pourrait entendre. Si bas qu'il parle, si bas qu'il dorme, si bas qu'il meurt. Hôtel, chambre 64. Et Oswald s'agrippe aux cheveux de Lucie parce que la terre tourne. Et dans ses coudes, il respire parce que la nuit grince. Et ils finissent par s'endormir avec des images dans la tête qui ne sont pas les mêmes. Le matin déjà, la ville rincée. Les canalisations emportent l'eau sale d'hommes seuls, et puis cela s'écoule près des trottoirs. Peu importe à Oswald désormais que des dormeurs vivent. Que des taxis se taisent sur une route de campagne. Qu'une bombe d'amplitude 100 vienne chatouiller une cité pauvre du globe. Que des chambres s'emplissent ou se vident. Des gens sont venus, des gens sont partis, seule certitude, dans les décombres. Et c'est le rugissement d'une journée nouvelle. Hôtel, chambre 64. Rien n'a eu lieu. Des millénaires, rien n'a eu lieu. Mais Oswald s'évade. Mais Oswald s'échappe. Oswald est une échappée d'air. Trafic lourd. Avant d'en être de nouveau dépossédé. Creuse sans avoir le temps. Cherche encore une issue. Mais Oswald s'évade. Mais Oswald s'échappe. Oswald est une échappée d'air. Descendu, seul, une fois encore, vers le fleuve. La tête dévorée d'horloge. La tête dévorée d'horloge. Main dans la vase. À la recherche du poisson rouge et mort. Qui emporte dans la dérive de l'eau tous les rêves qu'on s'arrache. Pitié pour Oswald qui persévère. Pitié pour Oswald qui persévère. Aucun cercueil ne sera plus autorisé. Coupez les horloges. Suspendez les écoutes. Pitié pour Oswald qui persévère. Pitié pour Oswald qui persévère. Vous saviez les nuits que je passe avec l'ennemi, vous vous constitueriez partie civile. Entre lui et moi, les choses sont devenues claires. Je sais les gestes à faire, et lui connaît les siens. Dehors et dedans, face à l'hygiaphone. Il rôde sur la place et cogne contre les vitres. Parfois, c'est sa tête qu'il frappe sur le sol devant, pour l'ouvrir en deux, et que tout s'échappe enfin vers les étoiles pourries. Allez savoir, Ce sont ses mots, pas les miens. Je suis pragmatique. J'étais. À cause de l'ennemi. Le mien. Celui qu'il est devenu. Mais je dois revenir avant. Une nuit, je ne sais plus laquelle, il est arrivé sur la place, près du fleuve. Je l'ai vu et j'ai compris le lien qui allait désormais nous unir. Ma vie est devenue une lutte contre l'ennemi. Dans la journée, chez moi, loin de la place, je l'entends encore dans l'hygiaphone. Il parle dans l'hygiaphone et me raconte des histoires incompréhensibles. Errance dans des caves au milieu de blattes et de bestioles rampantes. Nuit de baise, ivre sous un pont ou dans le local à ordures d'un immeuble bourgeois. Et ces histoires sordides, pourquoi croyez-vous qu'il me les raconte? Sinon pour m'amadouer et que je lui serve ce qu'il demande. Je ne sais jamais. Je pourrais. Il reviendrait le lendemain avec d'autres. Cela ferait jurisprudence, vous comprenez? Ma forteresse doit garder la réputation d'être imprenable. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi ne pas lui donner quelque chose de bien toxique pour me débarrasser de lui? Mais la relation avec son ennemi exige une grande probité. Respecter son ennemi, c'est se respecter soi-même. Quand le réveil sonne 19h, je me retrouve vivant au 5e étage de l'immeuble. Dehors, la journée se termine. Je me fais couler un bain. Je suis seul. La ville résonne sur les murs. Des souvenirs d'Irène par milliers. Aucun de stable. 2 ans que nous nous étions installés dans ce petit appartement quartier nord. Je lui avais construit un bureau et une mezzanine. J'avais fait de la place pour nous et pour l'enfant qui viendrait. Mais nous ne dormions plus au même moment. Et quand je rentrais le matin, 10 minutes avant que son réveil ne sonne, je me sentais coupable de cette vie que je ne parvenais pas à lui offrir. Nous voulions la campagne, les soirées d'été, l'intimité de l'hiver, la boue dans les chemins. Enfin voilà, elle est partie. Je sors à 20h. Quelque chose se crispe dans mon ventre. Je descends la rue. J'ai l'image d'un marais dans lequel je m'enfonce avec les bulles chimiques là-bas près des entrepôts. Après 10 minutes de marche, j'arrive sur la place. L'ennemi est là. Jamais il ne me voit entrer. Je passe par la porte de derrière. J'allume. Tout est en ordre. Armoire, bocaux, flacons, emballage, pilule, étiquette, étagère. D'abord, il se tient tranquille contre le mur d'en face et des clients vont et viennent. Vers minuit, les attroupements devant le camion à merguez commencent. Ce quartier n'est plus ce qu'il était. Vous devriez aller voir pour comprendre. Ils attendent devant un camion à merguez et près des poubelles jaunes. Dans le cul des bouteilles de bière, des hépatites s'effleurissent comme de minuscules bombes H. La nuit avance. La place se vide. Et voilà que l'ennemi s'approche et m'appelle dans l'hygiaphone pour que je lui refile du Subutex ou n'importe quel autre substitut sans ordonnance. Vous finiriez comme moi par penser à une arme. Vous en auriez comme moi la nostalgie. Ces hommes ressemblent à d'autres qui sont morts. On les imagine déjà dans la tombe et on est surpris de les voir perdurer. Une fois, on en avait croisé un avec « hate » tatoué sur le front. « Il a de l'humour », avait dit Irène, « mais il ne passera pas l'hiver. Je ne sais pas s'il a survécu, mais il y a toujours les autres, ses copains. » Enfin, dans la banlieue, j'entendais leurs cris le long des avenues vides et mon père se penchait vers moi pour remonter ma couverture. « Écoute bien, ce sont les perdants !» Il ne trouve pas de place sur cette terre, alors il la cherche avec des cris. Travaille ! Et tu n'auras pas hurlé pour t'entendre. J'ai fait des études. J'ai passé des concours. J'ai toujours été gentil, attentif et respectueux avec mes professeurs. Je voulais un métier utile. Tous les métiers ne sont pas utiles. Savez-vous ce que c'est qu'un métier utile ? Vous allez comprendre. Je suis devenu assistant en pharmacie dans cette ville de province, chez monsieur et madame Ménard. Je travaille de nuit. Peut-être nous sommes-nous déjà vus. Vous avez sûrement oublié. Je suis discret. Je suis la voix dans les diaphones. La silhouette derrière la vitre de la pharmacie. Je ne dérange personne. Ma vie ne porte pas à conséquence, sinon pour moi. Dans l'appartement, quelqu'un d'autre bientôt viendra. Et ce sera comme si je n'y avais jamais existé. 2 ans, avec Irène. C'est un piège. Vous comprenez ? Il m'appelle dans l'hygiaphone, m'insulte et me raconte la police, la répression, le manque d'argent, toutes ces imbécilités de perdants, tous ces alibis d'esclaves. Il voudrait que je sorte pour me battre. Regarde tes mains, Elias, je me dis. Surveille-les. Elles tremblent de plus en plus. Tu n'étais pas si nerveux avant. Tu n'avais pas tant de haine. C'est l'ennemi en toi. C'est l'ennemi qui progresse. Surveille tes mains. Ce sont par elles que tout arrive, que tout est venu. Tous les emmerdements et toutes les défaites. Respire, Elias. Je me dis, respire, mon vieux. Concentre-toi. Ne te laisse pas impressionner quand il frappe avec sa tête les pavés gris du trottoir. La nuit avance, froide. Ne pas s'endormir, ne pas se laisser aller, car l'ennemi pourra en profiter, prendre une pierre et casser la vitre avant que je puisse déclencher l'alarme. Il sera alors devant moi, à l'intérieur, et remportera la victoire avec ses poings. Je résiste. Je me shoot à la vitamine C. Mon esprit est de plus en plus clair, net, aiguisé. Et à 1h du matin, le voilà qui change de stratégie. Visage d'enfant, petite voix mièvre, yeux tristes pour m'amadouer que je lui serve ce qu'il demande. Le jeu du refus. Le jeu absolument exaltant de refuser. Pourquoi insistes-tu, l'ennemi ? Pourquoi reviens-tu éternellement avec ta misère ? Qu'est-ce qui te pousse à hurler le long des avenues vides ? Personne ne t'entendra ! Vers 1h du matin, souvent un client vient pour de l'aspirine. Je fais mine d'aller chercher des boîtes dans la réserve et je m'assieds dans l'ombre. Dans un fauteuil roulant, je fixe l'obscurité. Comme il doit être bon d'être vieux, loin des batailles. Après 5 minutes, je reviens et je serre le client qui grogne d'impatience à travers la petite vitre. L'ennemi, sous l'abribus, allume sa radio. Les nuits où il y a beaucoup de monde, il pousse le volume à fond, danse, frappe du pied, bugle, pour faire peur aux gens. Que plus personne n'ose venir, que je sois seul et inactif, que rien ne se passe et que je finisse par céder de guerre lasse. Je ne cède jamais. J'apprends par cœur les notices des médicaments, posologie, dosage, pour tenir et garder mon cerveau en éveil. Vous ne me croyez pas? Je pourrais vous en réciter des dizaines. Je pourrais vous faire une liste. Voulez-vous ? Pour que vous puissiez mieux comprendre les nuits que je passe avec l'ennemi, la véracité de mon histoire. Je me suis un jour juré de fournir de bons médicaments à tous ceux qui doivent vivre, de devenir propriétaire d'une officine. Je suis parti dans cette ville de province. Irène m'a suivi. On était jeunes, alors on est parti dans ce petit appartement, quartier nord. Voilà. Ça, c'est Irène. C'était avant. Quand l'ennemi se taisait pour me foutre la paix. Sous l'abribus, il hurle à la mort. Une nuit, je ne sais plus laquelle, une femme vient avec son petit garçon dans les bras. Ce quartier est dangereux et je l'ai fait entrer rapidement. Le petit a de la fièvre. Je lui donne ce qu'il y a marqué sur l'ordonnance. Vous venez du quartier nord. Vous ne pouvez pas rentrer à pied. Je vais vous appeler un taxi. Nous avons un accord avec les taxis du quartier quand l'ennemi hurle dans les grandes avenues vides. J'insiste. La femme accepte. Dessous son pull, ses seins comme deux bestioles qui ont peur. C'est pour vous que je travaille. Pour vous que je lutte contre l'ennemi. Le taxi arrive. Je lui donne l'argent de la caisse et je le fais sortir par derrière. La voiture disparaît au-dessus du fleuve et sous l'abrébus, l'ennemi fatigue. Il me fait des signes avec les mains. À 4h46, la nuit est fine derrière les vitres. Tout le monde veut ta mort, l'ennemi. Tu n'as aucune place sur cette terre. Abandonne la bataille et laisse ta tête s'ouvrir en deux dans le caniveau pourri. Tu nous feras plaisir. C'est comme ça que je lui parle. Chaque nuit. Inlassablement. À 4h46 dans l'hygiaphone. Vous feriez de même. Ne dites pas le contraire. C'est pour vous que je travaille. Et quand arrive le matin, chacun rentre dans sa tanière. Et c'est la dernière nuit maintenant. Celle que je dois vous raconter. Celle pour laquelle vous êtes venu. Celle qui, quand vous la connaîtrez, vous fera venir les larmes d'abord, l'indignation ensuite, qui vous fera vous constituer partie civile et organiser une pétition sur Internet, car mon sort actuel est un outrage que l'on vous fait. Ce soir-là, c'est l'été dans la ville, la fête, la musique. Des jeunes frappent sur des poubelles, des filles crient dans des micros, des groupes de rock braillent des bêtises, et des DJ se trémoussent. Il faut bien que le peuple s'amuse. Qu'il se détende un peu, qu'il puisse une fois l'an tirer la chasse sur ses petites frustrations pour que les villes soient propres, comme nous les aimons. Je descends la rue. Quelque chose se crispe dans mon ventre. J'évite la foule. Je respire et me concentre sur la bataille qui arrive. La place, enfin. Je ne vois pas l'ennemi. J'entre par une porte de derrière. Le terrain est propre et rangé. Madame Ménard est encore là. Elle termine le ménage. Nettoie l'hygiaphone avec un chiffon. Nous plaisantons gentiment. Puis elle s'en va. J'aime beaucoup Madame Ménard. Elle dit que je suis un garçon charmant. Elle m'appelle son petit Elias. C'est pour elle que je travaille. La nuit avance. Les clients vont et viennent. Les attroupements devant le camion à merguez se multiplient. L'ennemi reste invisible. C'est une ruse. Vous comprenez? Il essaie de me déstabiliser par son absence. Je résiste. Je prends mes marques et ma vitamine C. Vers 2h du matin, le bar d'en face est encore ouvert. Les enceintes crachent et un DJ s'excite sur ses platines. Une toute petite fille, à peine 3 ans, est debout immobile au milieu des chaises renversées. Elle regarde un homme torse nu danser sur la terrasse. C'est son père. Et la mère danse aussi. Il est 2h du matin et eux, ils dansent. Allez la coucher. Il faut qu'elle dorme. Qu'elle ne se retrouve pas dans 10 ans à hurler le long des avenues vides. Les enfants doivent avoir dans la tête des images calmes et pieuses. Sinon, comment les protéger de l'ennemi? Sylvien, il enlèvera la petite. Lui soulèvera la robe dans une impasse et offrira son cul à ses bulldogs. Personne ne m'entend. Je voudrais enlever la toute petite, l'offrir à Irène, la sauver de ces nuits qui n'en finissent pas, de ces éducations qui fabriquent de l'ennemi à la pelle. Et tout d'un coup, l'ennemi est là, accroupi sur le trottoir. Il n'a pas vu la toute petite, il ne faut pas qu'il la voie. Le désir monte dans mes poings. Je sors par la porte de derrière et fais le tour de la boutique. La nuit est grasse comme une merguez et toute cette musique barbare nous cache la vérité. L'ennemi me tourne le dos, ma main sur un tesson de bouteille. Son crâne est comme une porte qu'il faut ouvrir toute grande sur la propreté des villes, qu'enfin elles resplendissent. Immaculé, que les nuits sinistres s'achèvent, l'angoisse et la patience, et que le meilleur vienne pour moi et pour vous. Voilà. C'est fait. Et pourtant, rien n'aurait pu dire de moi. Lui, Elias Hermanet, tuera l'ennemi vers les 3 heures du matin avec un tesson de bouteille devant la pharmacie de garde où il travaillait. Personne n'aurait pu dire de moi. Lui, Elias Hermanet, éprouvera de la joie d'abattre l'ennemi, le sien, celui qu'il était devenu. Vous devriez me féliciter. Pensez à vos enfants. L'ennemi qui m'avait embarqué dans sa lente dérive ne vous empêchera plus de dormir, ne frappera plus à vos portes, ne salira plus de son sang seringue les halls de vos entrées. Vous ne recevrez plus de menaces de mort. Changez votre fusil d'épaule, bande de salauds. Constituez-vous partie civile. Bande de salauds, c'est affectueux dans ma bouche. C'est une déclaration d'amour. C'est pour vous que j'ai agi. Il est là, sur le sol, la tête entrouverte, et tout s'échappe enfin vers les étoiles pourries. Ce sont ces mots. Vous êtes au courant? Nous sommes entre nous. C'est avec vos mains que j'ai ouvert la porte. Je suis des vôtres. Je dois poursuivre la bataille. Il est toujours là-bas, sur la place. Il est encore vivant, dans un autre corps. Il revient éternellement avec sa misère. Je suis l'insurrection. J'habite le silence des villes, des centaines de chambres, des milliers de halls d'immeubles, des centaines de millions de caves. J'attends mon heure sur des matelas pourris, dans l'odeur rance des latrines, dans la pénombre des arrière-cours. Des flots de colère me nourrissent, se multiplient en moi. Je suis portée par la voix des disparus, par l'amertume des perdants. Je renverse maison et ville, je charrie vivant et mort. Je suis l'angoisse des despotes, la panique policière, l'obsession terroriste. Ce qui couve dans les regards éteints des RER, la vengeance contre les statistiques du chômage, contre les statistiques des suicides. Contre les statistiques de la bourse, contre l'absence de chair, J'existe comme possibilité permanente dans 100 000 bouteilles vides, dans les bidons d'essence, au creux des précipices. J'attends une étincelle. Je suis imprévisible. Je suis l'hygiène des masses, l'attaque avec les pierres, la destruction en une nuit d'un centre-ville. En moi, des foules contradictoires s'étreignent. Je suis la joie des aigris, la revanche des vaincus, le scoop des journalistes, l'espoir des révolutionnaires, le réconfort des brutes. Je suis un volcan en sommeil sur le poumon collectif. Je me nourris du cynisme des nantis, de la résignation des esclaves, des gestes nerveux des traders, du profond désir du crash. Mes enfants n'auront bientôt plus rien à perdre et se reproduiront dans les rues et les cuisines, dans les tunnels et les basses-cours. Connais-tu l'heure de la fin de la nuit? L'accord exact de la sérénité. Ne fais pas semblant d'être mort. J'entends encore ton souffle. Il ne t'a pas frappé si fort. Ses mains étaient molles. Et puis, il s'est enfui là-bas vers le fleuve. Deux animaux ivres. Deux jeunes vieillards perdus dans la nuit. Deux frères. Personne ne regardait. Les gens dansaient aux terrasses. Debout. Relève-toi. Raconte-moi comment vous vivez ici. Comment vous analysez vos rêves. Où est-ce que vous inventez un monde autre? Le monde. El mundo. The world. Die Welt. Comment est-ce que tu dirais, toi? N'importe quoi. Le premier mot qui te passe par la tête. La première image. Ton objet fétiche. Ton animal totem. Ta vision habituelle dans l'orgasme. Tes vies antérieures. Comment est-ce que tu imagines la planète dans 3 siècles? Tu crois à l'apocalypse? Est-ce que tu as déjà aimé quelqu'un au point de vouloir que l'univers s'effondre? Pourquoi est-ce que tu restes sur le sol? Pourquoi tu ne rejoins pas les forêts? Pourquoi tu ne vas pas te perdre un peu dans la mer? Désolée, faut que je vomisse. Des millions de voix remontent en moi. Cherche l'air libre par ma bouche. Je ne suis pas seule. Nous sommes traversés d'orages contradictoires. On n'a pas d'identité. Désolée, nous sommes des alphabets détruits. Rosa, c'est mon nom. Mais tu peux m'en inventer un autre. Je ne suis déjà presque plus moi-même. Je me métamorphose. Je me métamorphose. Vieux monde, pourras-tu être réinventé? Très, très vieux monde, resteras-tu identique jusqu'à la fin? N'y aura-t-il jamais rien d'autre à faire que vivre? Ne fais pas semblant d'être mort. Sors de ta prison mentale. Ouvre une fenêtre. Casse les murs et les portes. Change de musique. N'adore pas la force de ton inertie. L'impuissance de ta révolte. Hôtel, chambre 64. Rien n'a eu lieu. Les murs tremblent. Les lits se défont. Les vitres tombent. Mais Oswald s'évade. Oswald s'échappe. Oswald est une échappée d'air. Oswald s'évade. Oswald s'échappe. Oswald s'échappe. est une échappée d'air. Et la ville ignore tout de cette chambre mauve, envahie de sang, de grèves, de papillons cancéreux. Ignore les secondes perdues dans le mouvement du sommeil. Ignore le passage douloureux d'une minute à l'autre. Et parfois, pourtant, nous sommes heureux. Pourtant, nous sommes heureux. Nous sommes à 350 kilomètres. Nous remontons par les terres. Nous marchons sur les pays. Il n'y a plus de pays. Une foule immense comme le Pacifique. Nous sommes à 300 kilomètres. Milliers de cerveaux aux aguets, sang et eau, muscles et nerfs, os. Nous parlons en 15 langues. Nous sommes à 225 kilomètres. Nous passons à côté de grandes étendues vides, de banlieues ravagées, de vieilles cités industrielles s'enfoncent dans le ventre des campagnes, mais déjà les villes surgissent. Nous arrivons par la mer. Nous sommes à 50 kilomètres. Le vent est fort. Le ciel est haut. Nous sommes à 45 kilomètres. Nous nous perdons. Nous n'avons plus d'essence. Nous organisons le ravitaillement des convois. Ne vous découragez pas. Les foules se lèvent. Vont se lever. C'est inscrit dans le mouvement des astres. Tout commence hier, demain et aujourd'hui. Nous arrivons par le ciel. Nous descendons en chute libre. Nous avançons dans les catacombes. Nous creusons des souterrains à la pelle. Nous sommes recouverts de boue et de merde. Nous parlons avec les crânes. Connaissez-vous l'heure de la fin de la nuit? L'accord exact de la sérénité. Ne vous découragez pas. Nous nous sommes levés. Nous nous sommes inventés autres. Nous marchons sur la planète instable portée par la dérive des continents. La Terre. L'univers que je porte, que tu portes, que nous portons. Et nous rêvons au monde qui est et à celui qu'il pourrait être. L'intervalle est cette avenue sur laquelle nous sommes. Colère et joie, débordement, atomes à la recherche de nouvelles configurations. C'était Oswald de Nuit de Samuel Gallet avec Adèle Haenel, Nicolas Bouchot, Hector Manuel, Denis Lavant, Ruth Olaizola et Emmanuel Destremeau. Musique originale, Olivier Mélano. Création sonore, François Bonnet. Prise de son, montage et mixage, Pierre Mine et Bastien Varigaud. Assistante à la réalisation, Clémence Grosse. Réalisation, Christophe Hoquet, Cédric Ossir. Oswald de Nuit de Samuel Gallet est publié aux éditions Espace 34. Thank you.